Chapitre 2. La visite. Après le dîner, M. Dormer se retira au salon et se mit à lire ses journaux qu'il n'avait pas achevés. Les enfants restèrent dehors pour jouer. Mais Geneviève était triste. Elle restait assise sur un banc et ne disait rien. Georges allait et venait en chantonnant. Il avait envie de parler à Geneviève, mais il sentait qu'il avait été lâche et cruel à son égard. Pourtant, comme il s'ennuyait, il prit courage et s'approcha de sa cousine. « Veux-tu jouer, Geneviève ?» Geneviève. « Non, Georges, je ne jouerai pas avec toi. Tu me fais toujours gronder. » Georges. « Je ne t'ai pas fait gronder, je n'ai rien dit. » Geneviève. « C'est précisément pour cela que je suis fâchée contre toi. Tu aurais dû dire à mon oncle que c'était toi qui étais cause de tout, et tu m'as laissé accuser et gronder sans rien dire. C'est très mal à toi. » Georges. C'est que, vois-tu, Geneviève, j'avais peur d'être grondée aussi. J'ai peur de papa. Geneviève. Et moi donc, j'en ai bien plus peur que toi. Toi, tu es son fils et il t'aime. Moi, il ne m'aime pas et je ne suis que sa nièce. Georges. Oh, Geneviève, je t'en prie, pardonne-moi. Une autre fois, je parlerai. Je t'assure que je dirai tout. Geneviève. Tu dis cela maintenant. Tu as dit la même chose le jour où le renard a déchiré ma robe avec ses dents. Je ne te crois plus. Georges. Ma petite Geneviève, je t'en prie, crois-moi et viens jouer. Geneviève, un peu attendrie, était sur le point de céder quand une voiture parut dans l'avenue et, arrivant au grand trot, s'arrêta devant le perron. Une jeune dame élégante descendit de la calèche, suivie d'une petite fille de 8 ans, de l'âge de Geneviève, un petit garçon de 12 ans, de l'âge de Georges, et d'une grosse petite dame d'environ 30 ans, laide, couturée de petites véroles, mais avec une physionomie aimable et bonne qui la rendait agréable. Ce fut elle qui s'approcha la première de Geneviève. « Bonjour, ma petite, comme vous êtes gentille. Où est votre oncle ?»« Bonjour, Georges. Ah, comme vous voilà vert, une vraie perruche, vert de la tête aux pieds. « Comment vous laisse-t-on habiller si drôlement ?»« Ah ah ah, viens donc voir, Cornélie, un vrai Gresset. »« Vois donc, Hélène, ne va pas te mettre comme cela, au moins. » Madame de Saint-Émard s'approcha à son tour, embrassa Georges très affectueusement, et dit « Mais il est très gentil comme cela. À la campagne, est-ce qu'on fait 10 toilettes par jour ? C'est très bien de ne pas avoir de prétention. Il sera tombé dans l'herbe, probablement. » Geneviève. Non, madame, c'est en m'aidant à me tirer des ronces qui me déchiraient que le pauvre Georges s'est sali et un peu écorché. Madame de Saint-Émard. Comme c'est gentil ce que vous dites là, Geneviève. Vois, Louis, comme elle est généreuse, comme elle excuse gentiment ce qu'elle aime. Charmante enfant. Elle embrassa encore Geneviève et entra avec sa grosse cousine dans le salon. Bonjour, cher monsieur, dit-elle en tendant la main à monsieur Dormer. « Nous venons d'embrasser vos enfants, ils sont charmants. » Mademoiselle Primrose. « Bonjour, mon cousin. Quelle drôle de mine à votre garçon. Comment la bonne le laisse-t-elle arranger en Gresset ? Voulez-vous que j'aille la chercher pour le rhabiller ?» Madame de Saint-Émard. « Qu'est-ce que cela fait, Cunégonde, que l'enfant ait un peu verdi sa veste et son pantalon ? Laisse-le donc tranquille. » Monsieur Dormer. « Je vous demande pardon de sa tenue, chère madame. » Je crois que ma cousine a raison de vouloir lui faire changer de vêtements. Madame de Saint-Émard. Mais non, cher voisin. Geneviève nous a bien gentiment expliqué que c'était par bonté pour elle, pour la tirer d'un fourré de ronces qu'il avait mis du désordre dans ses vêtements. C'est très honorable. Mademoiselle Primrose. Laissez-moi faire, mon cher cousin. Je vais arranger tout cela. La cousine Primrose, sans attendre la réponse de Monsieur Dormer, sortit du salon et monta lestement chez la bonne. Mademoiselle Primrose. Bonjour, ma chère Pélagie. Je viens vous avertir que Georges n'est pas tolérable avec ses habits tout verts. Il faut que vous le fassiez changer de tout. La petite est très propre. Vous la soignez bien, celle-là, c'est bien. Mais vous négligez trop le garçon. Il est tout honteux de sa verdure. Il ne lui manque que des plumes pour être perruche ou perroquet. Pélagie. Je ne savais pas, mademoiselle, que Georges eut besoin d'être changé. La petite était entrée avec sa robe en lambeaux, mais Georges n'est pas venu. Mademoiselle Primrose. Ah, pourquoi cela ? Pélagie. Je n'en sais rien, mais je vais le chercher. Mademoiselle Primrose. J'y vais avec vous, ma bonne Pélagie. Nous lui ferons raconter la chose. Mademoiselle Primrose, enchantée d'apprendre du nouveau pour en faire quelque commérage, descendit l'escalier plus vite que la bonne et parut au milieu des enfants qui jouaient au croquet. « Venez vite, cria-t-elle à Georges. Votre bonne vous cherche pour vous habiller. Mais venez donc. Vous nous raconterez ce qui vous est arrivé. » Georges. « Il ne m'est rien arrivé du tout. Je n'ai rien à raconter, ma cousine. » Mademoiselle Primrose. « Si j'en crois un mot, je veux bien être pendue. Va, va t'habiller. Nous nous passerons bien de toi, mon garçon. Je vais prendre ton jeu au croquet. Et sois tranquille, je te gagnerai la partie. » Georges, étonné et ennuyé, obéit pourtant à la bonne qui l'appelait. Pendant sa courte absence, Mademoiselle Primrose ne perdit pas son temps. En jouant au croquet, aussi lourdement et maladroitement que le faisait supposer sa grosse taille, elle questionna habilement Geneviève et apprit ainsi ce qui s'était passé, excepté le mécontentement de Monsieur Dormer et le vilain rôle qu'avait joué Georges en présence de son père. Quand Georges revint, elle lui remit son maillet du croquet. Mademoiselle Primrose. Je n'ai pas eu de bonheur, mon ami. J'ai perdu votre partie. Mais j'ai gagné à votre absence de savoir toute votre aventure du bois et des fraises. Georges devint très rouge. Il lança un regard furieux à la pauvre Geneviève. Mademoiselle Primrose retourna au salon pendant que les enfants recommençaient une partie de croquet. « Mon cher cousin, dit-elle en entrant au salon, je viens justifier le pauvre Georges. Je sais toute l'histoire. Il ne mérite pas d'être grondé pour avoir sali ses habits. Au contraire, il mérite des éloges, car c'est en secouant Geneviève, qui ne pouvait sortir des ronces où elle était imprudemment entrée, qu'il s'est verdi à l'état de Graisset. » Monsieur Dormer. « Je le sais, ma cousine, et je n'ai pas grondé Georges. » Mademoiselle Primrose. « Mais... « Qui avez-vous donc grondé ? Car vous avez grondé quelqu'un. » Monsieur Dormer. « J'ai grondé Geneviève, qui méritait d'être grondée. » Mademoiselle Primrose. « Qu'a-t-elle donc fait, la pauvre fille ? » Monsieur Dormer. « C'est elle qui a poussé, presque obligé, Georges, à entrer dans le bois pour manger des fraises, comme si elle n'en avait pas assez dans le jardin. Et plus tard, c'est elle qui a voulu revenir au travers des ronces. » Mademoiselle Primrose. Ta ta ta, qu'est-ce que vous dites donc, mon pauvre cousin ? C'est au contraire elle qui ne voulait pas, et c'est Georges qui l'a voulu. Je vois que vous n'êtes pas bien informé de ce qui se passe chez vous. Moi qui suis ici depuis une demi-heure, je suis plus au courant que vous. Monsieur Dormer. Me permettez-vous de vous demander, ma cousine, par qui vous avez été si bien informé ? Mademoiselle Primrose. « Par Geneviève elle-même ?» Monsieur Dormer. « Je ne m'étonne pas alors que l'histoire vous ait été contée de cette manière. Geneviève a toujours le triste talent de tout rejeter sur Georges. » Mademoiselle Primrose. « Mais au contraire, elle a parlé de Georges avec éloge, avec grand éloge. Et si je vous en ai parlé, c'est qu'elle m'avait avoué que vous n'étiez pas content, et je croyais que c'était Georges que vous aviez grondé. » Et par le fait, il le méritait un peu, quoi qu'en dise Geneviève. Monsieur Dormer, un peu surpris, ne répondit pas, pour ne pas accuser Georges, dont il comprit enfin le silence. Mademoiselle Primrose retourna près des enfants pour tâcher de mieux éclaircir l'affaire, qui lui semblait un peu brouillée du côté de Georges. Elle trouva Geneviève en larmes. Georges boudait dans un coin. Louis et Hélène cherchaient à consoler Geneviève. Mademoiselle Primrose. Eh bien, qu'y a-t-il encore ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien, ma cousine, je me suis fait mal à la jambe, répondit Geneviève en essuyant ses larmes. Mademoiselle Primrose. Et pourquoi Georges boude-t-il tout seul près du mur ? Hélène. Parce que Louis et moi, nous lui avons dit qu'il était méchant et que nous ne voulions plus jouer avec lui. Mademoiselle Primrose. Pourquoi lui avez-vous dit cela ? Louis. Parce qu'après avoir dit beaucoup de choses désagréables à la pauvre Geneviève, qui ne lui répondait rien, il lui a donné un grand coup de maillet dans les jambes. Hélène et moi, nous nous sommes fâchés. Nous avons chassé Georges et nous sommes revenus consoler la pauvre Geneviève qui pleurait. » Mademoiselle Primrose. « Méchant garçon, va. Tu mériterais que j'aille raconter tout cela à ton père, qui te croit si bon. » Geneviève effrayée. « Non, non, ma cousine, ne dites rien à mon oncle. Il punirait le pauvre Georges. » Mademoiselle Primrose. « Punir Georges, ton oncle, laisse donc, il gronderait à peine. » Geneviève. « Et puis, ma cousine, Georges n'a pas fait exprès de me taper. J'étais trop près de sa boule et il m'a attrapé la jambe au lieu de la boule. » Mademoiselle Primrose. « Ça m'a l'air d'être une mauvaise excuse. Voyons, Georges, parle. Est-ce vrai ce que dit Geneviève ?» Georges très bas. « Oui, ma cousine. » Mademoiselle Primrose. « Alors, pourquoi n'es-tu pas venue l'embrasser et lui demander pardon ?» Georges. « Je n'en ai pas eu le temps. Louis et Hélène se sont jetés sur moi en me disant « Méchant, vilain, va-t'en !» Et ils m'ont chassé. » Mademoiselle Primrose. « Tant mieux pour toi si tu dis vrai. Et si tu mens, tu es encore plus méchant que ne le croient Louis et Hélène. Allons, embrassez-vous et que tout soit fini. » Geneviève alla au-devant de Georges, qui s'approchait d'elle pour l'embrasser, et la cousine, au lieu de retourner au salon, monta chez la bonne pour la questionner sur Georges, dont elle commençait à n'avoir pas très bonne opinion. Les enfants recommencèrent à jouer au croquet, mais le jeu fut moins gai. Georges comprenait qu'on n'avait pas cru ce qu'il disait. Il se sentait mal à l'aise. Louis et Hélène conservaient leur humeur contre Georges, et Geneviève était triste de le voir méchant et menteur. Louis et Hélène la vengeaient, en donnant tort à Georges dans tous les coups incertains du jeu. Une heure après, Madame de Saint-Aymar demanda sa voiture et partit avec Mademoiselle Rose, Louis et Hélène. Monsieur Dormer accompagnait ces dames. Madame de Saint-Aymar. Ainsi donc à après-demain, nous vous attendons à déjeuner avec vos enfants. Soyez exact, à 11h30. Monsieur Dormer. Je n'y manquerai pas, chère madame. Adieu, ma cousine. Mademoiselle Primrose. Adieu, mon cousin, et soyez de plus belle humeur. Aujourd'hui, vous avez l'air d'un pacha qui va faire couper des têtes. Madame de Saint-Aymar. Quelles idées vous avez, Cunégonde! Monsieur Dormer a, comme toujours, l'air aimable et bon. Mademoiselle Primrose. Surtout dans ce moment-ci, où il fronce le sourcil comme un sultan. La voiture partit, et Mademoiselle Primrose raconta à son amie la méchanceté de Georges et ce qu'elle croyait être une excuse mensongère. Madame de Saint-Aymar prit parti pour Georges, tout en se gardant d'accuser Geneviève. Une discussion un peu vive s'engagea entre les deux amies. Toutes deux commençaient à se fâcher. Madame de Saint-Aymar vivement. « Je persiste à croire Georges aussi bon que sa cousine. » Mademoiselle Primrose. « Et moi, ma chère, mon opinion est que Geneviève est un ange de bonté et de douceur, et que Georges est méchant, et ne perd pas une occasion de lui faire du tort et de dire du mal de cette pauvre enfant à mon cousin, qui est injuste et trop sévère pour elle. » Louis. « Moi aussi je crois cela. » Hélène. « Et moi aussi, et je n'aime pas Georges. » Madame de Saint-Aymar. « Taisez-vous, petit nigaud, je ne veux pas que vous parliez ainsi d'un voisin que j'estime et de son fils que j'aime. » Louis. « Je n'ai pas dit de mal, maman, j'ai seulement dit moi aussi. » Madame de Saint-Aymar. « C'est comme si tu avais répété tout ce qu'a dit Cunégonde. » Hélène. « Mais si Mademoiselle Primrose... » Madame de Saint-Aymar. « Tais-toi, je te dis. » Je ne veux pas que vous disiez ni répétiez des choses qui peuvent me brouiller avec Monsieur Dormer. Ces terres touchent aux miennes, c'est commode pour se voir, et j'y tiens. » Personne ne répondit. Mademoiselle Primrose lança aux enfants des regards qui semblaient dire « Continuez à penser comme moi, mes enfants. Georges est méchant et Monsieur Dormer est injuste. »